vivre encore et chantant, et plus riche et couvant. J'aimerais mieux être brillant que pas moi que l'on avoue. Nous allons voir à nos maîtresses pour les crâner leurs amours. Oh!